Madame Marois a demandé qu'on déclenche des élections. Franchement, j'ai trouvé ça ignoble. Olympique ni candidat à la prochaine élection, ce qui ne l'empêche pas d'être sur le podium de la non-rectitude politique. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Hey! Bonsoir et merci d'être ici. Il est à peine 19h et la soirée est encore jeune, ce qui va donner amplement le temps à tout le monde d'utiliser la boussole de Radio-Canada, la boussole électorale, pour enfin savoir pour qui voter. L'avez-vous fait, Fred? Oui, ouais, il paraît que je serais créditiste. Créditiste? Ouais. Mon Dieu, c'est pas à jour, c'est à fond. Non, ça n'a pas de bon sens. Parce que j'imagine que vous avez été tous surpris que Jean Charest se rende chez le lieutenant-gouverneur afin de déclencher, de dissoudre le gouvernement pour des élections le 4 septembre. Il me semble qu'il était déjà dissous, ce gouvernement-là. Oui, il goûtait plus grand-chose. Non. Non, ça goûtait pas fort. En tout cas, ça a été tout un choc, mais pas autant que celui de mardi matin. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Fred, vous l'avez-vous senti choqué? Oui, la terre a tremblé. Moi, il y a un béret blanc qui est tombé de ma patère. Ah oui, de votre créditiste. Non, c'est parce que c'est le docteur Barrette qui a fait le saut en politique. Et en fait, pour le compte de la CAQ, évidemment, et de François Legault, et le slogan de la CAQ, ça, c'est fascinant, c'est assez faux que ça change. Faux que ça... Je pense que c'est plutôt « c'est assez, faut que ça change ». F-A-U-T! Oui. Ah, c'est assez faux que ça change. Écoute, je ne l'ai pas entendu de même. En tout cas, ben, on me souffle d'ailleurs à l'oreille, parlant de la CAQ, là, que Jacques Duchesneau fera également campagne pour la CAQ. Et ça, c'est assez logique, hein, parce qu'en fait, c'est le seul parti qui ne pouvait pas éclabousser la commission Charbonneau. Il aurait pu aller à Québec solidaire aussi. Fred, Québec solidaire. Non, attends un petit peu. Là. Une police qui rentre dans Québec solidaire, ce n'est pas pour gagner une élection. C'est pour arrêter Amir Kadir. Ah, mais non, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ouais. Parlant de ne pas se faire élire, d'ailleurs, il y a Jean-Martin Hossan que ben non, ben là, quand on va se parler entre amis, là. Il y a Jean-Martin Hossan qui aurait été vu en train de poser lui-même ses pancartes cette semaine. Ben oui, mais on sait qu'Option nationale, hein, c'était... C'est un petit parti qui n'a pas beaucoup de moyens. Et Jean-Martin doit répondre lui-même au téléphone de la permanence de son parti. D'ailleurs, sachez que la permanence de son parti, ça se trouve être son BlackBerry. Oui, tout à fait. Il paraît qu'il doit lui-même fournir ses propres bébés pour les photos devant les journalistes. Et fait cocasse, il doit lui-même fournir les journalistes. Oui. Il est rendu là. Début difficile. Et parlant de cocasse, il y a TVA qui veut révolutionner le concept de débat des chefs en présentant une espèce de Star Academy là, de la politique. Ça va être les 20, 21 et 22 août. Moi, je pense que je vais regarder le DVD. Ouais. Honnêtement, je... Mais il paraît que Françoise David ne sera pas invitée. Hein? On va peut-être l'écouter, finalement. Alors, c'est intéressant, ça. Mais tu sais, Benoît Aubin, le chroniqueur du Journal de Montréal, l'a écrit. Ils invitent juste les trois chefs, c'est assez clair. C'est parce que c'est les trois chefs qui vont être susceptibles de prendre le pouvoir. Ouais, c'est juste pour ça. Heureusement que c'est pas Jean Lapierre qui a pensé à ça, parce qu'on aurait eu juste un débat avec Jean Charest, voyons donc! Merci, Fred. Belle imitation, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, le PQ... c'est clair. Le PQ est effectivement susceptible de prendre le pouvoir avec la belle brochette de candidat vedette qui va présenter. Puis là, je parle de candidat vedette, évidemment, c'est une question de perception. Il n'y a pas de Justin Bieber, là, quand même. Il y a Jean Poirier, qui est un syndicaliste qu'on connaît pas. Ouais, il est quand même allé, tout le monde en parle. Hey, un syndicaliste au PQ, Fred, on n'appelle pas ça un candidat vedette, on appelle ça un pléonasme. Comment? Il y a aussi Sophie Stanquet, qui est une autre candidate vedette. Et là, je pense que c'est vedette parce que c'est la fille d'Alain Stanquet. Je pense plutôt que c'est parce qu'elle jouait la française cochonne dans le téléroman L'Heure du temps. Ah oui! Ah, c'est vrai que Louise Beaudoin, ça ne représente pas. Et voilà. Ah! Ben là, il y a plein d'affaires qui... OK, ben de toute façon, on va en reparler. Il reste encore une trentaine de jours de campagne alors que les Olympiques battent leur plein. Et il y a la nageuse, je ne sais pas si vous avez vu, la nageuse Ye Shiwen, une nageuse chinoise qui a beaucoup fait jaser. Ouais. Non seulement elle a pulvérisé le record du 400 mètres 4 nages, mais elle a nagé plus vite que la plupart de ses homologues masculins. Et ça a éveillé les soupçons de bien du monde, dont François Legault, évidemment. Hey. Non, mais il a raison. Non, les femmes, ça n'aime pas le succès comme les garçons, on le sait. Là. Ben non, c'est clair, c'est clair. Et parlant de natation, il y a Michael Phelps qui a gagné une 20e médaille olympique en carrière. 20 médailles, ça, c'est plus que ce que le Canada a ramassé dans les 20 dernières années, honnêtement. Non, vous êtes dur. Non, vous avez raison. Faut dire que le programme canadien en route vers la médaille de bronze va assez bien. Ouais. Merci. Hein? Gros succès! Ah oui, la troisième marche tout facile. Notre émission de ce soir va être aussi un succès parce qu'on reçoit la ministre de la Culture et de la Condition féminine, Christine Saint-Pierre. On voulait inviter Fred Pellerin également, mais il est en Syrie en train de distribuer des carrés rouges. Ouais. C'est bien dur à joindre. Ah, peut-être des carrés aux dates aussi, hein, ça pousse là-bas. Eh, pas très drôle. Hein? On a également Pierre Duchesne, candidat péquiste dans le comté de Bordeaux et surtout ancien journaliste de Radio-Canada. Oh ouais, t'as vu, Christine Saint-Pierre aussi est ancienne journaliste de Radio-Canada, vous l'avez pas dit? Ben là, ça m'étonnerait, Fred, c'est une ministre libérale. Ah ouais, OK, voyons ouais, non. C'est vrai. C'est au PQ que ça va aller. Voyons non, voyons non. De toute façon, on aura amplement le temps de lui demander puisque la soirée est encore jeune. Olivier, avant toute chose, les internets. Ben oui, j'aimerais vous inviter à participer à notre pool électoral en faisant vos prédictions là, sur le nombre de sièges que chacun des partis remportera. Rendez-vous à l'adresse goût.gl/UQZDXR pour vous inscrire ou vous allez sur notre site radio-canada.ca/la-soirée. Votre prédiction? Oui, 125 sièges pour Option nationale. Bon, parfait. Ben non, mais regarde. Moi, j'ai mis 10$, j'espère me remporter comme 1000. Merci beaucoup. Ça va être 10 000, je pense. Hey, on a tellement d'actualités cette semaine, hein. grosse semaine, oui. Tellement qu'on n'a même pas pu parler de la plus grosse panne d'électricité jamais vue. Ça s'est passé en Inde. Plus de 600 millions de personnes sans électricité en Inde. Parlez-moi-en pas, j'ai eu des problèmes toute la semaine avec mon Internet. Là. J'ai pas été capable de joindre les techniciens de chez Bell. Ah, ça c'est... Pas capable. C'est ça qui est fâchant. Ah ouais. Écoutez, après la démission du négociateur Kofi Annan, mandaté pour tenter un règlement dans le conflit syrien, ben, l'espoir semble s'estomper de plus en plus dans la région. Et à la soirée est encore jeune, ben, comme on a un cœur gros comme ça, on a donc pensé en faire le sujet de notre top 5 hebdomadaire. Bon. Alors voici bien humblement les 5 meilleures façons de ramener la paix en Syrie. La 5e meilleure façon de ramener la paix en Syrie, leur envoyer la loi 78. Ben oui, c'est excellent pour calmer les esprits, ça va les forcer à retourner en classe. Puis quand on étudie, on traîne pas dans les rues à lancer des roquettes. Ça, c'est vrai. Mon Dieu, Jean-Lapierre encore. Encore Jean-Lapierre en fond, je sais pas ce qui se passe. La 4e meilleure façon de ramener la paix en Syrie, ah, ça, c'est une bonne, ça, leur envoyer Lucien Bouchard comme médiateur. Ouais, c'est vrai. Non, il est bon pour négocier, lui. Et très à l'aise dans les énergies fossiles, très à l'aise. La 3e meilleure façon de ramener la paix en Syrie, leur envoyer Biz de Loco Locas pour leur chanter « Libérez-nous de Bachar al-Assad ». C'est bon, ça? Oui, on serait libérés, nous autres aussi. Frère, franchement, c'est pas fin, ça. La 2e meilleure façon de ramener la paix en Syrie, leur offrir un abonnement gratuit au câble de Vidéotron pour tous les Syriens. Oui, tu sais, quand tu regardes la poule aux œufs d'or et le banquier, tu deviens pas mal allergique à la violence de la rue, là. Puis c'est intéressant en même temps. Ben c'est oui. En académie, là, ben oui, pas de problème. Et la meilleure façon de ramener la paix en Syrie, leur envoyer Gilbert Rozon pour parler aux manifestants. Allons-là! Ben oui, là! Wow, Gilbert veut être maire de Damas? Non, ben on va commencer par Saint-Damas, on verra. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne façon. On l'a eu il n'y a pas si longtemps, Gilbert Rozon. Oui. Très, très convaincant. Fred, notre premier invité. Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, notre première invitée tentera de se faire réélire sous la bannière libérale une bannière rouge, mais pas en forme de carré. Accueillons Mme Christine Saint-Pierre! Ah! Merci d'être ici, Mme Saint-Pierre. Bonjour. Je vous offre une bière. Non, merci. Ah non? Ben, il est trop tôt. C'est vrai? Oui. Mais pourtant, après-midi, là, moi, il n'y a plus de problème. Là. Je vais m'en prendre une parce que ben, j'étais un peu intimidée. Ah oui? Ah ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? Une ministre libérale. Non, mais une ministre libérale, c'est notre c'est une première pour nous à la soirée est encore jeune. En fait, un député libéral, c'est la première, c'est notre première à la soirée est encore jeune. Et là, on en parlait au début, là, votre chef a été obligé de déclencher une ignoble campagne électorale. Terrible. Il n'y a pas si longtemps. Oh. Ça a dû vous surprendre, pas de bon sens, ça? Non. Non? Ben non. Vous aviez des... Parce que moi, je suis prête pour la campagne électorale depuis plusieurs mois. C'est vrai? Oui, j'ai eu mon assemblée d'investiture au mois de novembre. Ah, fait que vous, c'était bon, là. Oui, moi, j'étais tout à fait prête. Mais ça vous a dérangé en pleine distribution de millions, là? Ça devait être fâchant. Non, mais c'est vrai, vous promiez un peu partout à distribuer de l'argent, là. C'est fâchant, ça. Une belle aire d'aller comme ça, puis M. Charest qui vous déclenche les élections. Non, mais on parle de subventions, c'est intéressant parce que c'est comme un pattern. Quand on a le déclenchement d'élections, souvent, juste avant, les ministres distribuent de l'argent à gauche et à droite. C'est un add-on, ça? Ou... Vous avez une longue expérience. Ben, j'ai regardé des données, puis je suis une journaliste. Vous avez beaucoup lu, hein? Oui, puis je suis une journaliste à l'époque, Christine Saint-Pierre. Elle nous informait pas mal sur ce genre d'affaires-là. Je trouvais ça le fun. Non, mais je veux dire, C'est bien correct. Le PQ fait la même chose. On imagine si un jour Option nationale vient... Ben, c'est une blague. Mais supposons que la CAQ prenait le pouvoir, ce serait le genre de choses qu'il ferait avant. Mais là, c'est votre troisième campagne électorale. C'est bien ça? Oui, vous êtes prête, ma troisième. Là? J'ai été élue en 2007, la première fois, ensuite en 2008. Et là, c'est la troisième campagne électorale. Ça va être votre troisième mandat. Mais comme je disais à des journalistes la semaine dernière, lorsque je faisais des annonces à Québec, on posait toujours la même question. Ben ouais. Hein, vous en allez en élection. Mais je dis, si vous m'aviez suivi pendant les 5 dernières années, vous auriez conclu que j'étais toujours en campagne électorale. Ah, vous avez de l'argent tant que ça au ministère de la Culture? Ben, nous, en fait, au ministère de la Culture, c'est formidable parce que là, vous allez dire que c'est la politicienne qui parle, mais avec le programme d'infrastructure du Québec, on a eu, Mme Monique Jérôme-Forgette a mis un montant très important pour les infrastructures culturelles. Le tunnel Ville-Marie, est-ce que c'est une infrastructure culturelle? Je pensais à ça comme ça. On est en campagne électorale, Mme Saint-Pierre, et vous êtes dans votre circonscription d'Acadie. Paraît-il que vous avez un problème de pancarte. Oui. J'ai lu ça sur Twitter. Vous avez dénoncé le fait que la CAQ a posé des pancartes à des feux de circulation. Et c'est formidable parce que le fait que M. Duchesneau devienne candidat à la CAQ, bien, c'est un ancien policier. Oui. Alors, je pense qu'il va faire appliquer le règlement. Et, oui, les caquistes ont décidé de placer leur pancarte à des feux rouges, des feux de circulation, ce qui est interdit. Ils bloquent quoi? Ils bloquent le signe tourné à gauche? Ben, ils bloquent. En fait, ce qu'ils font, c'est que... Très bon. Ouais, non, mais... J'y pensais, ça faisait longtemps. Mais là, bon, vous êtes dans une forteresse libérale. Vous n'avez pas vraiment besoin de pancarte. Bien, les gens ont besoin de savoir qu'ils ont une candidate dans le comté. Oui, je pense utile, que ça, c'est, très, oui, c'est assez utile, c'est très important. Il ne faut jamais prendre les électeurs pour acquis. Les gens disent, bon, c'est un comté facile. Ce n'est pas un comté facile, c'est un comté où les électeurs veulent voir leur candidate. C'est assez vrai. Ils veulent savoir aussi ce que j'ai fait lors des 5 dernières c'est années pas Westmont, pour le comté. Mais Westmont, ce n'est pas si facile que ça. Par les gens, d'ailleurs, à Gilles Duceppe. Il y a des côtes. Oui, non, c'est clair. Votre chef, M. Charest, a l'air favorable à l'auto-évaluation. Il s'est auto-évalué récemment. Il a donné un 8 sur 10 à son gouvernement. Je ne sais pas pourquoi les gens rient. 8 sur 10 à son gouvernement en matière de la lutte à la corruption. Mettons qu'on ferait le même exercice avec votre ministère. On en parlait un peu plus tôt. Vous vous donneriez combien? Puis vous pouvez aller jusqu'à 10. Là. Pour vrai, là. C'est sur 20, hein? Non, mais pour vrai. En tout cas, posez pas la question à Michel David, parce qu'à chaque ça, évaluation qu'il fait de ce que je fais, c'est jamais très, mais très... Michel David, voulez-vous que je vous dise? Des fois, je le trouve pas fin. Mais bon... Non, il est pas fin, ça. Vous êtes également ministre de la Condition féminine, et on se demande, c'est un boulot assez important, particulièrement dans le Parti libéral. On a l'impression que vous avez une grosse job à faire à l'intérieur de votre parti. Jean Charest utilise beaucoup de femmes comme ministre. Utilise? Ben là, j'ai mal utilisé mon mot. Oui, là. Oui. Collabore et ensuite se débarrasse de ministres. De plusieurs ministres, mais pour vrai. Je veux dire, si on regarde le passé, là, il y a évidemment Mme Courchesne qui s'en va, il y a Nathalie Normandeau, il y a Lynn Beauchamp. Il y en a beaucoup qui pensent. Comment ça se fait, donc, que c'est difficile de garder des femmes comme ça en politique? François Legault, la semaine passée, nous expliquait un peu. C'est parce qu'il paraît que les femmes n'aiment pas le débat. Ça, c'est lui qui nous a dit ça. C'est pas moi, là, hein, on s'entend? Monsieur Legault, il semble bien connaître les femmes. Oui, d'ailleurs, dans un futur gouvernement, vous devriez le nommer à la Condition féminine. Ça y ferait un bon stage, je pense. Non, mais pour elle, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour une femme de rester en poste au Parti libéral? C'est des choix personnels. Lorsque des collègues ont décidé qu'elles voulaient mettre un terme à leur carrière politique, je pense qu'elles ont, ce sont des choix qui ont été, des décisions qui ont été très réfléchies. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Les gens arrivent en politique, font un certain temps. Ensuite, ils vont chercher une autre expérience ailleurs. Moi, je suis arrivée en politique très tard dans ma carrière. Ouais. Je suis partie de vieille journaliste à jeune ministre. Alors, ça a été formidable. Ça m'a rajeunie. Ben oui. Ça fait seulement que 5 ans. J'étais 31 ans journaliste. Alors, ça a été pour moi. Donc, après ça, ben, je vais certainement faire autre chose. Mais c'est une très, très belle expérience. Et aussi, c'est très prenant. Alors, il y a des choses aussi où tu te dis à un moment donné, est-ce que ça fait 15 ou 20 ans que je suis en politique, est-ce que je veux vivre autre chose? Est-ce que je veux avoir une autre expérience dans ma vie? C'est possible. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire les femmes, les hommes. C'est des passages qui se font comme vous allez peut-être faire un passage à Radio-Canada pendant un certain temps. Ben puis ensuite, vous irez peut-être, autour de la planète. On se reverra peut-être à l'aéroport. Ah ben oui, vous savez qu'on s'est rencontrés à l'aéroport. Nous, la première fois, c'est à l'aéroport. On est jet-set comme ça. et M. Charest, pensez-vous qu'il a envie d'une autre carrière prochainement? M. Charest, Et tout à fait en forme. Il est en boost, pleine, hein? pleine ouais. forme. Il est très, très, très heureux d'être avec nous. Il a eu ses vacances, lui. Hein, ben, ouais. ben oui, 9 ans, c'est long. Mais c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. D'ailleurs, vous lui direz qu'on l'attend. Hein, parce qu'on a fait beaucoup de demandes pour l'avoir. On l'attend, M. Charest. Vous savez qu'on a un point en commun, vous, Mme Saint-Pierre et moi. On a tous deux décidé de ne pas terminer notre maîtrise et de continuer à Radio-Canada. Et c'est oui. une très bonne décision qu'on a prise. Honnêtement, là, franchement, je voudrais vous féliciter. Je me suis un peu inspiré de vous et je ne regrette jamais. C'est en quoi, votre maîtrise? C'est, bon, je ne me rappelle même plus tellement. non, je pense que c'est en relations internationales. Ah. Oui, franchement, et écoutez, je me rappelle même plus c'est quoi le sujet. C'est pour vous dire. J'aurais une dernière question pour vous. Et là, on reste ensemble, évidemment, pendant tout le long de l'émission. Mais la dernière question là, pour cette portion de l'entrevue, vous êtes aussi responsable de l'application de la Charte de la langue française. Mm-hmm. C'est un gros dossier. Oui. Je sais que récemment, on vient de décider de mettre des termes français sur les laveuses et les sécheuses. Ça, je trouve ça intéressant. Enfin! Enfin! Ah ouais. On faisait plus de lavage, Fred, puis moi. Spin, ça m'écœurait. Ah, moi aussi. On arrêtait ça. Mais là, j'ai une question qui me tracasse depuis longtemps, et là, j'ai la personne qui est responsable de la Charte de la langue française. Je mélange tout le temps deux mots. Corruption et collusion. Lequel des deux... Faut... Je me mélange tout le temps. Lequel des deux il faut utiliser, Mme Saint-Pierre? Non, mais pour vrai, là, c'est lequel qui est le plus précis? On parle d'un contexte, là, je ne sais pas le contexte actuel du Parti libéral. C'est lequel des deux? Regardez, je vous laisse le temps d'y penser. On va recevoir Pierre Duchesne tout à l'heure. Il va sûrement avoir une question comme ça pour vous. Il va sûrement avoir une réponse. Ben oui. Puis vous y répondrez aussi. Oui, il est pas si fin que ça, M. Duchesne. Je le vois au loin, là. Moi, je trouve que... Ah ouais, c'est ça. Il rit, là, mais attendez un peu qu'on le reçoive. Ah, merci beaucoup, vous restez avec nous. Oui, j'ai là, pas, j'espère, j'ai pas j'espère beaucoup parlé, mais enfin, vous parlez beaucoup. Ben oui, mais... Voulez-vous vous dire c'est quoi mon problème? Non. Vous m'intimidez. Ah, ben, ça devrait pas. Non, mais je sais bien. Prenez une bière, là. On va se délousser, comme on dit. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. On sait que la campagne sera dure, même très rude. Et les publicités négatives, comme on en voit aux États-Unis, seront de la partie à cette élection. Le PLQ nous l'a démontré avec sa pub sur les casseroles de Pauline. Et évidemment, bien qu'à la soirée est encore jeune, on ne perd pas de temps. On a décidé d'offrir aux différents partis des publicités négatives sur mesure, et ce, gratuitement, au propre comme au figuré, tous les partis. Oui. Évidemment, le premier, notre ami, le Parti libéral, évidemment, pour Mme Saint-Pierre. On écoute. Déménager sans souci, à moins d'être membre du Parti libéral. Pas trop emballé, c'est garanti. À moins d'être membre du Parti libéral. À Curso, un mafioso, une compagnie, un numéro, des enveloppes brunes, aux besoins, et vos impôts ne vous coûteront rien. Tout le monde va y goûter. Oui. Absolument. Ça, c'est important de le dire. Oui. Et là, nos prochains amis, c'est les gens d'Option nationale ou la personne d'Option nationale, je ne sais pas encore. Oui. Enfin, vous êtes toujours à l'écoute de la soirée. Il est encore jeune et on va maintenant cesser cette interminable attente et on va enfin retrouver notre journaliste tout-terrain qui, tel Anderson Cooper, n'hésite pas à se rendre là où il le faut pour nous, au risque de sa vie et de sa dignité. Je parle évidemment de Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, bonsoir Jean-Philippe Vautier. Vous le dites bien cette fois-ci au risque de ma dignité, car c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, je me trouve présentement nu comme un ver, totalement flambette. Pourquoi? Parce que je suis au centre de naturisme La Pommerie à Saint-Antoine-Abbé, à 45 minutes de Montréal. Pourquoi, Jean-Philippe, vous allez me dire? Parce que s'y déroule jusqu'à dimanche le 9e festival naturiste. Donc, tout au long de l'émission, on va parler tounisme, mais d'abord, on va parler spécifiquement du festival avec une sommité. En cette matière, M. Michel Vaïs, journaliste et auteur spécialisé en théâtre, qu'on connaît bien à Radio-Canada, fondateur de la Fédération québécoise de naturisme, auteur du livre « Nu simplement » qui vient de paraître. Bonjour, M. Vaïs. Bonjour. Bon, tout d'abord, M. Vaïs, avant de commencer, est-ce que c'est normal que je sois un petit peu gêné de faire cette entrevue-là avec vous, compte tenu du petit secret qu'on a plus l'un pour l'autre? Écoutez, vous étiez un petit peu gêné au début, mais je pense que vous avez surmonté cette gêne, cette difficulté, et je vous sens tout à fait à l'aise. Bon, voyez-vous, je voulais garder mon maillot de bain au début, et puis là, j'ai plus envie. Ben, on ne garde pas son maillot de bain parce qu'on n'est pas né avec. Pour avoir un maillot de bain, il faut le mettre. Alors, ici, à La Pommerie, déjà, on est toujours tout nu à longueur d'année, et là, il y a un festival de naturisme. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut être encore plus nu que ça? C'est une rencontre de gens qui viennent d'un petit peu partout au Canada. Il y en a de Vancouver, il y en a d'Halifax, il y a des Américains. Ah oui, on peut être nul loin de même. De gens d'Ontario. Et on est là pour réfléchir ensemble, pour communiquer, pour partager des pratiques. Alors, il a été question, par exemple, de la relance du naturisme dans la ville de Québec, parce qu'il y en avait eu déjà beaucoup depuis 35 ans, puis ensuite, il n'y avait plus d'activité, et maintenant, ça a recommencé. Ouais. Il a été question de réflexologie, il a été question de santé naturelle, de soins de santé. Et présentement, au moment où on se parle, il y a justement une conférence qui est prononcée sur l'érection, sur la gestion de l'érection. Ah. C'est une question pertinente, comme Olivier Niquel disait en réunion, difficile déjà de gérer une érection dans son pantalon. Comment on le fait sans? Écoutez, c'est une question qui préoccupe 95 % des gens qui n'ont jamais fait ça. Ben. Mais tout se passe dans la tête. Des hommes, surtout des hommes, oui, parce que les femmes, ça les concerne pas du tout. Les femmes, elles ont peur plutôt d'être l'objet du regard et d'être jugées. Mais c'est une question qui disparaît d'elle-même, parce que le nu intégral, en collectivité comme ici, il est plutôt apaisant. Alors, passé les premières minutes, on se rend compte que c'est vraiment très, très facile. C'est vrai. J'ai jamais été aussi détendu que maintenant. Alors, si vous me permettez, je vais vous laisser quelques minutes. Je vais retrouver d'autres gens nus pour faire des petits bouts d'entrevue. Et je vous retrouve à la fin de l'émission. J'aurai des questions à rafale qui proviennent des invités de l'émission d'aujourd'hui. Parfait. Alors, à tout à l'heure. À tout de suite. Merci. Jean-Sébastien, vous êtes nu pour vrai? Absolument, je vous jure sur la tête de ma mère. OK, ben good, good. Bonne nudité, là. Oui, des photos, s'il vous plaît. Je vous envoie ça. Madame OK, je vous remercie. Je vous remercie. Bye-bye. Hein. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier, une émission qui unit les gens sur la première chaîne. Il n'y a pas de bon sens, ce gars-là. Hein? Non. Non, OK. Est-ce qu'il a sa carte de l'électeur? J'espère qu'il a mis à bonne place. Enfin, il n'y a peut-être pas la même passion que Jean-Sébastien pour le tout nu, mais est quand même capable de se livrer à nous, c'est Fred Savard. Ouais, vous seriez étonné. Ouais, ah oui? Mais ce n'est pas l'objet de mon billet de ce soir. Non, nous sommes en pleine fièvre olympique et pourtant, mon thermomètre ne frétille pas, Jean-Philippe. J'ai beau me le mettre sous la langue, sous l'aisselle ou à des endroits encore plus exotiques, rien n'y fait. N'arrive pas à joindre la liesse populaire et je me sens bien seul. Pourtant, quand j'étais plus jeune, genre à 10-12 ans, j'adorais m'étendre devant le téléviseur des heures durant pour regarder des inconnus lancer le disque, tirer le pigeon d'argile ou se poigner le sachet sur un tatami. Mais je pense qu'en vieillissant, j'ai compris que les Olympiques sont devenus une plaie pour notre société. Mais attention, les athlètes olympiques ont toute mon admiration. C'est extrêmement difficile de s'entraîner 50 heures par semaine pendant des années dans des installations modernes avec une pléthore de spécialistes dédiés uniquement à l'atteinte du podium. Et justement, parlons-en du podium, le podium de l'hypocrisie. Cette fois où les Jeux olympiques y occupent la plus haute marche. On essaie de nous faire croire que l'on célèbre le sport amateur et son adage, un esprit sain dans un corps sain, alors qu'on y célèbre surtout les commanditaires officiels et leur adage, un esprit sain dans un corps gras. Et on essaie de nous faire croire après ça que nos jeunes qui regardent ces athlètes se démener le moineau de badminton ou leur derrière en dessous d'un ballon de volleyball de plage vont attraper la piqûre du sport et aller s'inscrire en courant à leur club sportif du coin. Laissez-moi rire! Ha ha ha! Ha ha! Bon, c'est fait. On sait très bien que c'est faux! Et avec des ambassadeurs comme Alexandre Despatie, le Big Mac a probablement plus de meilleures années devant lui que le 3000 mètres steeple. Il est au plongeon, Alexandre. Vous êtes bien naïf, Jean-Philippe. Comme tous ces gens qui ne se rendent pas compte que l'olympisme est surtout la célébration de l'élitisme. Pendant que nous engouffrons des millions pour entraîner une poignée d'athlètes de pointe, nos installations sportives à l'usage de la plèbe se décrépitent. Je sais que Mme Saint-Pierre va me dire que c'est l'inverse. Ce n'est pas son ministère. Mme Courchain a eu des démêlés avec ça, d'ailleurs. Mais bon, nos enfants, elle n'est plus là. Nos enfants font de peine et de misère 90 minutes d'activité physique par semaine dans nos écoles. Et c'est avec ça qu'on va faire les prochains champions de trampoline. Laissez-moi sauter de rire. Ha! Ah! Ah! OK. C'est fait. Vous savez comment il s'appelle, le dernier champion de trampoline? Hein? Dong, dong. Non, c'est pas une blague. Okay. Ça sonne à la porte. Bon, vous allez me dire... Vous allez me dire que les gens s'intéressent vraiment aux compétitions pour la beauté du sport. Du sport? Pas pantoute! Les gens ne s'intéressent qu'aux médailles. Voilà le grave problème des Olympiques. Ça exacerbe notre chauvinisme et notre nationalisme de très mauvaise valeur à inculquer à notre belle jeunesse. Et parlons-en du chauvinisme. Qu'il est donc déplorable d'entendre parler les gérants d'estrade sur le peu de médailles d'or qu'a remporté le Canada depuis le début de ces Jeux. C'est sûr que l'or est attrayant en ces temps d'incertitude économique. C'est une valeur refuge. Mais on oublie que finir quatrième ou cinquième dans quelque chose, c'est tout à fait honorable. Et pourquoi insister sur le fait que les médailles canadiennes ont surtout été remportées par des athlètes québécois, alors que nous savons très bien que le Québec est bon dans rien. On ne cesse de nous le répéter dans nos médias de droite. Et on oublie que les athlètes québécois sont financés par des bidous canadiens, sans quoi leur succès serait probablement improbable. Monsieur Duchesne, hein? Pouvez-vous nous assurer que dans un hypothétique Québec indépendant, nous aurons les moyens d'envoyer des athlètes québécois aux Olympiques dans d'autres disciplines que le hockey sur glace, le chiolage ou la corruption? Je ne pense pas! Et ce qui me désole encore plus, c'est que toute cette attention sur les Olympiques va nous éloigner de la campagne électorale qui vient d'être déclenchée ici même au Québec et qu'on arrête d'accuser Jean Charest de les avoir déclenchées en plein mois d'août. Laissons la chance aux coureurs. Ils n'avaient peut-être pas le choix. Nous avons des questions primordiales à trancher, des questions pas mal plus importantes qu'un double salto arrière carpé. Et ne soyons pas trop durs avec lui si jamais il termine quatrième ou cinquième. Comme le disait Pierre de Coubertin, là, l'inventeur de la rue du même nom. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Ouais. Et j'espère justement que malgré les Olympiques, le taux de participation de ces élections en sera un Olympien. Wow! C'est beau, hein? Hey. On se tanne presque pas. Merci, Fred. Hey, on retourne discuter avec Jean-Sébastien. J'en peux plus de savoir où est-ce qu'il en est rendu avec sa bisoune. Jean-Sébastien? Oui? Je suis toujours dans mon plus simple appareil, comme vous le dites, donc au 9e Festival Naturiste à La Pommerie. Et j'ai trouvé deux autres personnes complètement nues qui ont accepté de témoigner. Alors tout d'abord, je me trouve avec M. Jean-Claude, retraité de l'enseignement, père de famille. Ses deux fils aimeraient beaucoup venir à La Pommerie, mais leurs épouses ne veulent pas. Donc, si je résume, monsieur, vous voulez voir vos brutes tout nus, mais elles n'ont pas forcément envie de voir la bisoune de leur beau-père. La question n'est pas là, c'est que ce qu'ils ont peur, c'est d'être vus par plusieurs personnes. En particulier, ils le font chacun de leur côté quand ils vont en plein air là, faire du canot camping, il n'y a aucun problème. Mais se voir entouré de gens de tous les âges, ça les agace un peu. Les garçons, aucun problème. D'accord. Bon, mais je peux les comprendre parce que je suis assez bien moi-même, mais quand même, il y a certains trucs encore que je comprends pas. Bon, par exemple, le naturisme, l'été, ici, on est bien, il fait beau, il fait chaud, j'ai du vent sur mon corps de jeune garçon, mais... Par exemple, les activités l'hiver. On est dans un bowling au mois de février, il fait moins 30. Pourquoi? J'ai ici Mme Archambault. Expliquez-moi les activités, pourquoi l'hiver? L'hiver, on a des activités. D'abord, la Fédération québécoise de naturisme a pour mandat de promouvoir le naturisme d'une part, mais également de donner des activités aux membres l'hiver, parce que le naturisme, c'est un mode de vie. Ce n'est pas simplement prendre du soleil l'été quand il fait beau. Mm-hmm. Et le bowling? Et le bowling, ça fait partie du mode de vie, c'est-à-dire que je dirais que ce qu'on recherche dans le naturisme, c'est se donner le droit d'être soi-même. Uh-huh. Et Mme Diane nous disait tantôt qu'elle aimerait bien faire une partie de bowling avec toute l'équipe de l'émission. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Oui. Oui. Hey, oui. On a répondu oui. Hey, je suis en train de me déshabiller live. Oh, soleil. Oui. Ben, ça va être tout pour le moment. Et je vous reviens avec des questions à rafale avec M. Veillis. Dans quelques minutes, on va répondre enfin à vos questions. À vous, Fred, Mme Saint-Pierre, Pierre Duchesne, etc. Ah, d'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. À tout de suite. Encore une fois, vous êtes essentiels. Fred, notre deuxième invité. Notre deuxième invité se présente pour la première fois sous la bannière péquiste. S'il perd ses élections, il pourra toujours écrire la biographie de Paul-Émile Bordua. Sa circonscription, accueillons Pierre Duchesne. Ah! Monsieur Duchesne, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il est trop tard pour une bière? Non, ça va. Alors, j'ai une rousse. Il est même tôt. Mais... j'ai pas de bleu, par exemple. C'est fâchant, ça, hein? Oui, alors, mon père prenait ça, de la bleue. Ah oui, mais ça existe encore, ça. Il prenait de la Laurentide aussi. Ah, ça, c'est pas sûr, ça existe. Monsieur Duchesne, bonsoir. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous rendre à Radio-Canada? Vous vous rappeliez de l'endroit? Non, je me rappelle de l'endroit. Oui. Je me rappelais, il n'y avait pas de studio. C'est assez récent quand même, ce studio. Ça fait quand même 10 jours que vous êtes parti, moi, à peu près. Mais il me semble, en tout cas. C'est notre 6e émission, alors. Je me souviens de l'endroit. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Vous vous ennuyez pas trop? J'ai pas beaucoup le temps de m'ennuyer, voyez-vous. On s'est beaucoup occupé de moi depuis que j'ai annoncé que j'allais en politique. J'ai eu l'attention de mes adversaires, les amis de Christine. Ben oui. Et puis, il a fallu m'installer dans un comté et tout ça. Fait que, disons, et là, le déclenchement de l'élection. Est-ce que c'était une grosse surprise, Bordua, pour vous? Vous n'en aviez pas parlé avant du tout, là? Non. Il y a bien des gens qui m'ont posé la question. Ben oui. Non, mais Bordeaux, je suis très content, là. Je peux comprendre que vous êtes content. Le Mont-Saint-Hilaire est magnifique. En plus. La rivière Richelieu. Puis là, on va piste, va bien? Oui. Très content. Et on va ériger une statue de Louis-Joseph Papineau. En plus? Pierre Curzi, puis là. Ça, Christine, ça a dû te décevoir de ne plus avoir Pierre Curzi comme adversaire. C'est parce qu'il n'était pas avec toi, il était allé avec Jean-Martin Hossan. Ben oui. Votre relation avec Pierre Curzi, d'ailleurs, vous prenez son comté, là. Oui. Vous lui parliez avant en tant que journaliste. Oui. Et là, vous lui parlez en tant qu'ancien collègue. Je l'ai rencontré lundi. On était allés jaser. Il y a une belle maison à Saint-Jean-Baptiste, sur le bord de l'eau. Est-ce que c'est la première fois que vous alliez chez Pierre Curzi, juste comme ça, là? Oui. Oui, OK. C'est un petit test. Vous avez décidé... vous en aviez votre casque de couvrir la politique. Vous avez décidé d'en faire. Oui. Mais je n'avais pas mon casque de la couvrir, la politique. J'aimais bien ça. Là. Parce qu'en fait, je pense que quand vous avez annoncé votre candidature, vous avez dit que vous libériez en fait de votre devoir de réserve. Oui. Est-ce qu'il était pesant, ce devoir de réserve-là? Bien, il y avait de l'air parce que ça dégoûtait. Il était précieux, en tout cas. Ouais. Parce que quand on est à Radio-Canada, Christine en sait quelque chose, les autres, Bernard Drinville, Monsieur Deltel, à la CAQ, ils savent tout ça. M. Archambault. Alors, le devoir de réserve, c'est de préserver ses opinions pour soi-même, puis de couvrir les politiciens ou l'élite, les gens de l'économie, tout ça. Alors, vous savez ce qui est bon? Je suis très content de... Vous êtes libéré de ça? Oui. Non, écoutez, tout le monde veut sortir d'ici, là, c'est parce que les portes sont barrées, parce que sans ça, tout le monde sortirait honnêtement. On a reçu Mme Marois il y a quelques semaines. Elle est bien bonne. Hein? Oui. Mme Marois, elle est très bonne. Elle m'a d'ailleurs dit, il y a quelques semaines, qu'elle sentait transpirer chez vous, alors que vous étiez encore journaliste, une petite pointe de péquisme dans votre couverture. Ça sent quoi, ça? Je sais pas, ça doit sentir le... Ça sent le jupon. Ouais, c'est ça. Ça sent le jupon qui dépense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous seriez laissé tenter par un petit biais journalistique? Soyez sincères. Si ça avait été le cas... Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Non, je sais qu'il y a peu de gens qui vous écoutent. Non, très peu. Ça ne sortira pas du Canada. Il y a peu de gens qui me surveillent. Ben non, il n'y a pas de problème. Alors, je peux parler en toute liberté. Oui. Mais si ça avait été le cas, là, je crois qu'il y a un ombudsman ici. On a combien de patrons quand on travaille à Radio-Canada? 4, 5, 6? Ah, énormément! Peut-être une dizaine. Énormément. J'ai commencé à connaître ça. Oui. Alors, je pense que ça se serait su. Et je pense que mes amis libéraux auraient fait des plaintes bien avant que le jour à 10 minutes de mon point de presse. Non, mais c'est drôle parce que André Pratt, qui lui-même... Ça, c'est de l'humour un peu raté. Non, mais c'est parce que je préparais ma deuxième question. Moi-même, je vais en faire de l'humour. C'est pas parce que ça ne nous tentait pas. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont reproché votre court délai, dont André Pratt, qui lui-même est un ancien journaliste. Ça, c'est une petite blague. Ah ouais? Ouais. À l'université? Ouais, ça. C'est vrai que le délai était court. On va s'entendre là-dessus. C'était très court. Oui. Supposons que vous étiez toujours journaliste et qu'il y a quelqu'un qui défroquait, qui s'en allait au Parti libéral, par exemple. J'en ai une meilleure que ça, vous comptez. Ah, c'est vrai? Bernard Drinville... était mon chef de bureau. Et puis, il faisait son entrevue avec André Boisclair à ce moment-là. Puis, trois, quatre jours après, il était candidat à PQ. Et qui a fait le reportage? C'est vous? C'est moi. Ah, fait que vous êtes tous des amis. Et les patrons de Montréal m'ont appelé, m'ont dit, fais un reportage comme il faut, là. Bien, puis je peux comprendre. Il n'y a pas de règlement de compte, mais il n'y a pas de complaisance. Est-ce que vous avez effacé des petits... Alors, on avait dit, c'était un peu rapide. Vous avez-tu tourné coin rond quand vous avez fait votre reportage sur Bernard Drinville? Bien, j'ai pas. À l'époque, non? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent quand on fait des reportages. Fait que si on tourne les coins ronds, il y a comme 2000 témoins. C'est vraiment moins pire que Star Radio-Canada. C'est vrai. Vous avez, évidemment, on pouvait imaginer que vous aviez un petit jupon qui dépasse. Vous avez interviewé Jacques Parizeau pour la biographie que vous avez écrite sur lui. Jean Charest l'a aimé. S'il y avait un jupon, il était de quelle couleur? S'il n'était pas si long, ce livre-là, j'aurais peut-être aimé aussi, mais je ne l'ai pas lu. Il y en a trois. C'est pour ça, je sais, trois tomes. Non, mais tu sais, à un moment donné, fais ça court. Avant de faire le saut en politique, est-ce que vous y avez parlé à Jacques Parizeau? De ça, non. Pas en tout? De ça, non. Même pas un peu? J'ai parlé il y a à peu près une semaine et demie. Ouais. Il était très content. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il sentait on parlait aussi de la rue, d'ailleurs, ensemble. Arrêtez donc. Oui, que M. Charest a peur de la rue. Ouais. Il s'occupe tellement d'asphalte, ça me surprend un peu. Ça en est une pas pire, ça, honnêtement. Ça se rattrape pour l'autre d'avant, M. Chen. Évidemment, on vous suit énormément sur Twitter. Vous citez régulièrement des poètes québécois. Vous faites allusion à des artistes québécois. Oui. Si le PQ était élu, là, est-ce que vous verriez un autre ministère que celui, Mme Saint-Pierre? C'est pas évident que je serais ministre si on était... Non, c'est ça. Êtes-vous ministrable? Ah, ça, je laisse la chef décider de ça. C'est pas à moi de décider. Ah oui? Vous avez même pas un petit odeur? J'ai de la poésie. Vous me parlez de poésie. Ah, mon Dieu. J'ai pour Christine... Le micro fonctionne-tu, là? J'ai pour Christine des mots de violence et d'intimidation. Ben voyons donc, vous. Mais là, c'est parce qu'il faut Je m'en vais t'amener dans un désert grand comme la mer, te voir courir à perdre l'horizon. Oui. Je m'en vais t'amener où il fait noir juste pour voir la petite brillance dans tes yeux, un feu. C'est d'un homme très violent et agressif, c'est Fred Pellerin. Ah, franchement! Là, vous chanterez Mme Saint-Pierre plus tard, là. Bon, on va y aller. Pendant qu'on vous a tous les deux, là, vous avez le Parti libéral... Là, vous avez fait fâcher Mme Saint-Pierre. Je suis pas content contre vous, M. Duchesne. Oh non, je voulais la faire rire. Le PLQ a déposé une plainte contre Pierre Duchesne pour conflit d'intérêts. Hein? C'est encore en... Deux plaintes? En... Oui, faut qu'il y en ait une. Il y en a une qui a été évacuée rapidement. Oui, mais c'est à Radio-Canada, c'est facile. Mais le deuxième, on verra. Faites attention. Je me demandais, Mme Saint-Pierre, avez-vous aidé Jean Charest à l'écrire, cette plainte? C'est quand même un sujet que vous connaissez assez bien. Vous avez pris beaucoup plus de temps, vous, pour vous décider, si je ne me trompe pas. Oui, beaucoup. Oui. Est-ce que vous hésitiez entre... Parce que comment ça se fait que vous n'avez pas fait le saut vers le Parti québécois? Quoi, il me semble que c'est logique. Quand on travaille à Radio-Canada. Ben, c'est ça, je me dis. Je veux dire, moi-même, j'ai déjà ma carte. Moi, j'attends juste de sauter. Tu sais, tout le monde. Non, mais tu te fais engager à Radio-Canada, ils te donnent ta carte d'accès puis une carte du PQ. C'est de même que ça marche. Fait, comment ça se fait, vous avez décidé d'aller au Parti libéral? Parce que je suis fédéraliste et que c'est un homme, M. Charest, que j'aime énormément, que je connaissais depuis plusieurs années. C'était pas la première fois que j'étais approchée. C'était connu. Ah oui, c'est vrai. Et la première fois, c'était en 2005. J'étais en lock-out et j'en avais parlé à mon chef de bureau, qui était Patrice Roy. Et j'avais pris la décision de ne pas y aller pour des questions tout à fait privées et personnelles. Mm-hmm. Et ensuite, en 2007, lorsque on m'a réoffert de me présenter à ce moment-là, Ça a été oui, parce que je voulais faire ce saut-là. Ça me faisait plusieurs mois que j'y pensais. Je réfléchissais à cette question-là. J'avais couvert beaucoup, beaucoup ce qui se passait de l'autre côté de la porte. Et je voulais vraiment... j'avais une curiosité de savoir ce qui se passait aussi de l'autre. Et une fois que la porte est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Comment les décisions se prennent? Et puis après 5 ans... Et ça, là... ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Vous êtes contente encore après 5 ans? Oui, il y a tous les jours, je me dis que j'ai fait le bon choix. C'est une vie passionnante, c'est une vie qui est difficile, qui est cruelle, parce que quand on nous rentre dedans, ça fait très, très, très, très, très mal. Ouais. Mais en même temps, les plaisirs sont inversement proportionnels au coût. Ça nous permet de lire de la poésie dans un show politique. Je trouve ça le fun. Mais si j'ai une dernière question à vous poser, Mme Saint-Pierre... Est-ce que vous avez des conseils à donner à M. Duchesne qui est ici en ce moment-là et qui est à sa première campagne? Puis en même temps, il est dans un château fort aussi, ça va l'aider peut-être. Je veux dire, un conseil à M. Duchesne. Mme Saint-Pierre est dans un château fort aussi. Ben oui, je sais, vous êtes les deux pareils. Vous promenez en limousine jusqu'à votre siège de député dans 33 jours. Là. Mais un conseil, un vrai conseil. Rendu à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous conseillez à Pierre Duchesne? D'avoir un bon dos. Ah oui? Oui, parce que dans son parti, poignard dans le dos, c'est très, très, très bon. C'est vrai qu'on débat plus dans votre parti. Écoute, Mme Marois, là, je pense que... écoutez, chicanez-vous donc pas, vous? On fait de l'humour. Ben oui, non. C'est vrai que le monde rit quand même. Faites de l'humour. Merci beaucoup. Restez avec nous, là, puis lâchez-vous, vous deux. Là. Oui. Fred, notre prochain chroniqueur. Il écume l'actualité tel un barreur d'aviron à Dorney Lake, mais contrairement à un médaillé de bronze, il n'est pas barré à 40. Voici le billet de Olivier Niquette. Les gens applaudissent au feeling, Olivier. Ouais, c'est ça. C'est la présentation. Non, du tout. Quoi de neuf cette semaine, Olivier? Eh bien, j'ai entamé ma fin de semaine dernière avec la lecture du livre Trudeau et ses mesures de guerre. C'est l'histoire d'un gars qui passe une loi qui brime les droits et libertés pour mater ses opposants. Ça me rappelle, il y a une couple de mois, ça! Ah, ben non, je compare pas les mesures de guerre puis la loi 78, là. C'est juste une mauvaise blague, là. Je me donne 8 sur 10 pour cette blague. Mardi, le remplaçant de Paul Arcan au 98.5 a pris son courage à deux mains pour poser à Gaétan Barrette la question qui vous brûle tous les lèvres. A-t-il des problèmes d'intégrité avec sa bedaine? Je vois pas comment un ministre de la Santé qui fait de l'embonpoint comme lui peut venir me dire à moi quoi faire pour ma santé. On va régler une affaire tout de suite, là. Moi, je suis une personne normale, donc imparfaite. Manifestement, je ne suis pas un Olympien du régime. Ah, Quoique avec McDo qui commandite les Olympiques mur à mur, là, il aurait peut-être des chances de gagner. Mais M. Barrette devait être soulagé que la madame de JE, Jocelyne Cazin, ait décidé de ne pas se présenter pour la CAQ. Ah, il me semble qu'avec ces histoires de lobbyisme illégal, là, il aurait été bon à JE, ce monsieur-là, non? Reste que, comme dirait Jean Lapierre, avec des candidats comme ça, la clientèle de la CAQ risque d'être motonneuse. Dans le cas de François Legault, mais il cherche sa clientèle un peu partout. Et c'est ça qui est son défi. François Legault, est-ce que sa clientèle est tellement éparpillée que ça a l'air un peu du cheese whiz, une toast chaude, ou s'il y a des motons à droite et à gauche? Ah, j'en ai l'eau à la bouche! Hey, paraît qu'il y aurait même des grumeaux souverainistes au sein du cheese whiz de la CAQ. En tout cas, c'est ce que les spineux libéraux nous martèlent en espérant que ça nous rentre dans la tête. Mais tu sais, si Legault était souverainiste, là, il dirait, même les péquistes sont game de le dire à cette heure. Incroyable! C'est tellement incroyable là, que selon Yann Sénéchal, fondateur du réseau Liberté Québec, certains souverainistes doivent être pas mal excités au bas du corps. Les dernières campagnes, en tout cas le PQ, c'était plus « on verra les conditions favorables, on va tâter le terrain tranquillement ». Là. Marc Laviolette a un petit croquant dans ses pantalons ce matin. Ah oui, c'était ça. Le zipper, il était au 45. Il y a de la misère à s'asseoir. Jean-François Lisée aussi. Oui, non, c'est comme ça. Pierre Chêne aussi. Bon. Monsieur Duchesne, je ne vous demanderai pas si vous avez du croquant dans le pantalon parce qu'on est une émission sérieuse ici. Et de toute façon, là, on a des choses bien plus importantes à aborder parce que mercredi, au grand dam de Régent Tremblay, le porte-parole de Québécois, Radio-Canada a obtenu les droits des prochains Jeux olympiques. Oui. C'est juste dommage qu'il ne reste plus personne au service des sports, à part Jean Saint-Onge, qui n'est pas un grand fan des Olympiques, comme il l'a dit en onde sans faire exprès. Ben, oui, ça vaut aux astis de jeux d'été, moi. Philippe Antoine est avec nous pour l'ouverture des marchés. Ah, Philippe, hein? Et maudit, encore de l'eau au moulin de ceux qui, comme Laurent Proulx, le leader du mouvement pour la promotion de Laurent Proulx, veulent abolir l'esti de Société d'État. L'abolition de Radio-Canada laisserait par contre toute la place à Radio X Montréal, qui a d'ailleurs jeudi annoncé le co-animateur de son show du matin, et ce sera Carl Monnette. Qui? Elle a... Vous savez pas c'est qui Carl Monnette, voyons. C'est le grand penseur de Radio X, Chicoutimi, là, qui proposait de castrer les itinérants puis de les déporter dans le Nord. Toutes les itinérants, tout le monde dans la rue, t'es prêt? Pogne une pelle, ramène ça en arrière, monte-moi ça dans le Nord, installe-moi ça là, t'as la paix, t'en as plus. T'entends plus rien parler, merci, bonsoir. Admettons, t'envoies tout tes castres là avant. T'es castes avant. Envoyé au goulag, on va à Montréal. C'est plus clair, ça. D'ailleurs, on pourrait faire la même chose avec les souverainistes qui ont trop de croquants dans le pantalon. 8 sur 10. Bon, je vais te donner 7 là-dessus. Merci beaucoup, Olivier. toujours dans notre objectif d'offrir gratuitement des publicités négatives aux différents partis, après celle du Parti libéral, celle d'Option nationale. Si vous êtes souverainiste comme les péquistes... Option nationale, dans son programme, a une démarche très claire d'accession à la souveraineté. Si vous êtes communiste comme Québec solidaire... Nous sommes défavorables à la hausse des frais de scolarité parce que nous, en fait, on voudrait même réduire les frais de scolarité jusqu'à la gratuité scolaire. Si vous aimeriez être gouverné par des comptables sans charisme comme ceux de la CAQ... On a cherché du nouveau sang, des nouveaux visages, des gens qui sont très respectés dans leur domaine et qui sont des leaders dans leur domaine d'activité, mais qui n'ont pas nécessairement d'expérience politique ou qui ne sont pas nécessairement des grandes vedettes publiques. Et si vous êtes éjaculateur précoce... En cette période olympique, on peut se poser la question, certains ont-ils commis des faux départs? On démarrait trop vite, notamment du côté d'Option nationale, qui a déjà posé des pancartes électorales avant même le déclenchement des élections. Votez pour l'Option nationale, le parti des personnalités multiples. On peut mieux pour le Québec. Ah, regardons, en plus, leur slogan est presque le même que celui du Parti libéral. Hey, on a hâte au 4 septembre. Hein? Ah ouais. Hey, on a hâte d'entendre aussi les publicités des autres partis. Oui. Alors, on va aller retrouver Jean-Sébastien qui aime le tout nu, visiblement. Oui, absolument. Et je suis toujours avec M. Veillé. Si nous sommes toujours plus nus que jamais. Et les gens sur le plateau, M. Veillé, m'ont tous fourni une question avant l'émission. Alors, les voici en rafale. Fred Savard m'a dit, si je vais sur une plage nue, j'ai peur de rencontrer quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que je fais si je tombe sur mon patron, Hubert Lacroix? Ben, il semble qu'on aurait déjà quelque chose en commun, donc quelque chose à discuter. Vous savez qu'au Japon, les gens d'affaires s'invitent d'abord dans un onsen, c'est-à-dire un bain de vapeur, là, nu, avant de commencer à parler affaires. Ben oui. Ben voilà, Jean-Philippe Vautier nous a dit « J'ai eu un beau cadeau de la nature, mais j'ai peur au coup de soleil. Comment protéger tout ça? » Eh ben moi, je bronze à l'ombre. Depuis très longtemps. Ben oui, écoutez, j'ai quand même un assez bon bronzage et je mets rien sur la peau. Donc, il faut être prudent. Il ne faut pas prendre de coups de soleil, mais on apprend quand on est nu à composer avec le soleil plutôt que de le considérer comme un ennemi. Oh, pardon, c'est bien vrai tout ça. Madame Christine Saint-Pierre a dit « J'ai participé récemment à une journée sans maquillage. J'ai failli mourir tellement je me sentais nue. Est-ce que je serais quand même une bonne candidate au naturisme? » Absolument. Surtout quand on fait de la politique, il est bon de laisser tomber les masques à un moment donné. Ah. C'est bien répondu. Et en terminant, Pierre Duchesne, je suis une personnalité publique avec l'iPhone et tout ça. J'ai peur de me retrouver avec les bijoux de famille dans le Twitter. Est-ce que c'est dangereux pour l'intimité des naturismes, l'arrivée d'Internet et des iPhones? Si vous allez sur une plage libre où il peut arriver n'importe quoi, je vous dirais faites attention. Mais si vous êtes dans un lieu sécurisé comme un centre naturiste, comme celui où nous sommes, la Pommerie, là vous vous sentez tout à fait en sécurité. Merci beaucoup. Et en terminant, M. Villiers, vous avez une invitation à formuler à tous les gens qui sont sur le plateau. Eh bien, rendez-vous ici, à la Pommerie. Le festival se continue jusqu'à dimanche. Vous êtes tous les bienvenus, nus. Alors, on vous attend, Jean-Philippe. Moi, je reste dormir ici cette nuit. Eh bien, Jean-Sébastien, j'aurais une dernière question. Est-ce que c'est financé par le ministère de la Culture, cette histoire-là? Moi, je vous le dis pas. Merci beaucoup, là. Puis, prenez pas un coup de froid. C'est bien dit. À tout de suite. Salut! Hey, merci. Y es-tu bon? Hein? Fred, c'est à vous. Notre prochain chroniqueur partage avec nos invités le fait d'être un ancien de Radio-Canada, mais contrairement à eux, on ne pourra pas voter pour lui. Accueillons notre correspondant parlementaire, Jean-Philippe Cipriani. Ah, bonsoir, bonsoir. Jean-Philippe, enfin, ah ben oui, c'est ben non, mais c'est parce qu'on sent un 5 à 7 de Radio-Canada, hein? Oui, en 2003. Ben, OK. Jean-Philippe, enfin, la campagne est commencée. Ben, là, j'imagine qu'en tant que correspondant parlementaire, vous allez couvrir ça de près. De très près, ben, Vautier. Le nez collé sur la télé, l'oreille sur la radio, les yeux sur les journaux, les doigts sur Twitter. Si on peut couvrir les Olympiques de son bureau, de son salon, là, je vois pas pourquoi ce serait différent d'une campagne électorale. Mais malgré tout, je suis un peu déçu. Hein, ah, parce que je suis comme le seul journaliste au Québec qui n'a pas été approché pour être candidat. Là. C'est un signe, Jean-Philippe. C'est peut-être parce que j'ai perdu mon attrait en quittant Radio-Can ou c'est à cause des présentations de Fred Savard. Ah, ouais, ça. Ça, c'est meilleur pour l'ego. C'est clair. Mais là, pourquoi vous n'êtes pas sur les autobus de campagne? Là? Jamais, jamais, Vautier, je vais participer à ce bassement mercantiliste exercice. Ben oui, ben dites-le. Écoutez, savez-vous combien ça coûte pour être sur ces autobus-là? Ça coûte, non. 8 000 pour le Parti libéral. Bon, la CAQ, eux autres, ils ont fait un rabais, 7 950. Oh! Quand même pas très loin. C'est un 50$ du McDo. PQ, 7 500. Puis tout ça, sans les déplacements en avion, sans les repas, les hébergements. Mais on a droit quand même à une prise électrique, puis l'Internet sans fil dans les autobus. Je veux dire, 8 000 là, ça fait à peu près 228 par jour. Ouais. Il y a juste Bevoda qui est capable de se payer ça. Ben, hein? Je sais pas s'il offre du jus d'orange dans les autobus. Bien, le PQ, lui, précise qu'il y a une machine à espresso. Hein? Je pense qu'on courtise le vote italien du côté du Québécois. Mais, je veux dire, 8 000 c'est plus que le don maximal autorisé, ça, messieurs, dames. Là. Oui. Je crois que la commission Charbonneau puis le DGE devraient se pencher sur ces dépenses-là. Mais il y a aussi des prix par jour. Hein. PQ, 800 pour une journée. PLQ, 450 pour une journée. La CAQ, 230. Vous voyez bien que François Legault, là, ça coûte pas 25 000 ben pour aller non, le voir. Ben non. Mais il demande quand même des chèques certifiés. T'sais, on n'est jamais trop prudent avec des journalistes. Ça, c'est clair. Puis les autres partis, les Québec solidaire et Option nationale, ben, c'est ça. Un autobus ou une trottinette? Ben, Québec solidaire, c'est 7 $ par jour ou 80 $ pour la campagne. En fait, c'est un abonnement Bixi. Puis Option nationale, c'est à pied. Mais tu sais, à pied. Pensez-y, il y a un autobus pour le chef, il y a deux autobus pour les journalistes qui suivent l'autobus du chef. Il y a trois partis, ça fait 9 autobus au total là, qui laissent rouler le moteur pendant les conférences de presse. Ce qui fait que, selon mes sources, une seule campagne électorale au Québec va venir anéantir le plan de lutte contre les gaz à effet de serre du gouvernement Harper. C'est un scandale. Ben, je comprends. Ouais. Non, je comprends donc. Mais qu'est-ce qu'on a de plus sur les autobus, je veux dire, honnêtement? Là. Ben, on n'a pas Jean Lapierre, c'est déjà ça. Parce qu'il a son propre autobus. Puis on peut écouter deux fois par jour les mêmes phrases, les mêmes blagues prononcées par les mêmes chefs pendant 30 jours. avouer que c'est quelque chose. Ben, c'est le fun, mais... c'est le fun. Non, mais c'est le fun pour vrai, parce que, bon... Ça s'appelle une tournée. Ben, c'est ah, ça. Ah, ah, c'est ça. Une rock star. Mais je vais en profiter, là, de maintenant que j'ai deux journalistes qui ont quand même fait plusieurs campagnes, là. Puis, excusez-moi l'anglicisme, là, devant la ministre responsable de la langue française puis le poète Pierre Duchesne. Mais, c'est-tu vrai qu'en campagne, ça French? Mais là, il faut voir quand, là, parce qu'on est pas mal occupés, là. Mais, ça French pour vrai, ça. C'est dans les hôtels, puis tout. Moi, ouais. je nomme pas de nom, là. Mais non, mais moi non plus. Mais j'aimerais ça en avoir, par exemple. De ça, ah non? Non. Ben, c'est donc bien plate, la politique. Ben oui, hein. Je pensais que c'était le moyen d'unir la communauté journalistique puis politique. T'sais, c'est pas étonnant que les journalistes se lancent en politique après. Là. Est-ce que c'est tout ce que vous avez sur la politique? C'est pas mal ça cette semaine. Ben, je pense qu'on vous réinvitera pas la semaine prochaine. Ah, vous, là. Ou on vous donnera 8 000 $ puis vous suivrez le Parti libéral ou le PQ. Ah, il y a du budget cette émission-là? Non. OK, ben, je vous remercie beaucoup. Hey, ben, c'est déjà tout pour ce soir. Quel malheur de se quitter comme ça. Franchement, on avait déjà une belle histoire d'amour qui commençait avec Pierre Duchesne et Christine Saint-Pierre. On poursuivra ça dans les prochaines semaines et après les élections, on verra qui va gagner ou qui va perdre. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Évidemment, c'est déjà tout donc pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, Monique Giroux fait une scène avec l'âme des poètes. Ah, peut-être pour vous, M. Duchesne. Avec Daniel Boucher, Marie-Jo Thériault et Yves Desrosiers. Et après, on a Bande à part animée par Élodie Gagnon qui aura en entrevue le duo français Justice. Merci à toute l'équipe. Évidemment, je parle de Fred Savard, Olivier Niquette, Marc-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, notre stagiaire Nicolas Guindé. Et évidemment, l'extraordinaire Philippe Roberge à la console. Évidemment, un immense merci à Christine Saint-Pierre et Pierre Duchesne. Et on n'a pas peur de vous le dire. Hein. Bonne campagne, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, vous êtes les bienvenus à Radio-Canada. Hein? Pour vrai. Alors, quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter, à twitter.com/lasoirée, et nous réécouter grâce à la balado. Écrivez-nous pour assister à notre prochaine émission. C'est vendredi 19h et on aura Françoise David et Martine Desjardins. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre soirée qui sera, on l'espère, encore jeune! Mmh.